samedi soir, pleine lune, les pompes des flips, des bagages. Du sein sur le trottoir, c'est pas une soirée rap. Tous les bavards et les flics rappliquent, viennent voir vite. Ça s'agite pour une vanne à l'histoire. Rien à foutre, mais j'avais quand même l'espoir que le hip-hop reste un univers de paix. Malheureusement, comme partout, beaucoup de langues de pute passent de respect. Pour ceux qui veulent la jouer, foutent leur bordel dans mes concerts. Que cela vous serve de leçon, je serai toujours chaud pour foutre ma demeure. Y'a pas de mystère, je respecte celui qui me respecte. Y'a pas de sahab, je suis vénère. Y'a pas de sahab, je suis gangster. Laisse le délire, aucun riz. Je représente les vrais harbis. Cœur crade, l'expression recti, directement la jolie. Écoute ce que je te propose. Quiconque ose mettre une pause à mon apothéose, je l'explose. À coup de Stan Smith, ouais. C'est pas la peine courir vite. Quand je t'invite, évite de vouloir faire le F-ri. À coup de Stan Smith, c'est pas la peine courir vite. Quand je t'invite, évite de vouloir faire le F-ri. L'histoire est Hami, moi je suis là pour faire la fiesta. Qui veut la Cermi finira par faire la siesta. C'est comme ça, au royaume de la crapulerie. Arrête ta connerie, tu dépasses ta bouffonnerie. Par un temps de chien parti de rien, les rapaces se tirent dans les pattes. T'inquiète mec, nous aussi on a la mentalité pirate. Et si je veux éviter la violence, faut bien que je pense à la défense de moi et des miens. Personne doit nous prendre pour des chiens, les offenses se payent. Vice versa, ça rend l'appareil, œil pour œil, dent pour dent, coup de tête, morsure à l'oreille. Fini l'époque à la loyale, tête à tête, plus que des têtes de traître. Les types débarquent en bande et sautent à 30 sur un mec. Le soulève comme un ballon, la fonce à coups de talon. Se tache de sang le bas du pantalon. C'est pas comme ça qu'on acquiert des galons. Y'a rien de glorieux, ça c'est pour les tox. En concert c'est trop con, les médias font de l'intox. Le hip-hop passe pour un con. Assez de filles qui crient, des salles qui ferment. On va finir par se crier. Les flics et les fachos sont contents de nous voir éparpillés. Les mecs viennent au monde et comptent avant de savoir parler. La violence est le quotidien, comme un joint pour Bob Marley. Pose-toi la question, pourquoi à chaque génération, tous ils en ont plus cassé. De nos jours le problème c'est plus les tags, mais des bus cassés. Le monde est petit, trop petit. Tu vois toujours les mêmes gus passer. Ennui nous guette sous leurs casquettes. Mes gars des blocs, je laisse passer les pauvres blâmes en bas des blocs. Et si c'est pas mes potes, j'adopte une logique de guerre. À croire qu'ils poussent mes frères à tomber plus vite à terre. Avoir une arme c'est comme une deuxième paire de couilles, on se sent plus dangereux. T'as beau leur dire qu'est-ce tu fais, vas-y range le que je t'y reprenne pas. À croire que les petits comprennent pas qu'y'a que dans les films qu'on supprime quand on s'aime pas. Ça me fait mal les voir sortir une lame, creuser leur propre trou. Tout le monde s'en fout, on se moque de tout. C'est une époque de crise. À côté tu perds ta. La survie, la récompense, ils ne sont bien apprises. Comme Rachid, d'expression, je suis direct. La FF, la mixture, organisation trop suspecte. Le parquet de sortie, c'est pour frérot, trois mecs calés. Tous partis d'une grotte, pour finir dans un palais. Entrée, récit et frénésie, une pleine sac à nos idéaux. Fidèle aux miens, respect au tien. Rédemption pour les âmes perdues. Au lieu d'avancer soudé, le frère se tire dessus. À mi-chemin, entrée, récit et frénésie. Sois collaborateur même souvent. Beaucoup se croient sûrement sur homme. Le summum serait de rester pisse, c'est du surman. Range ton kebouze, on fait la fiesta, mais pas les costauds. Jeune, si t'as le blues, n'envoie pas d'innocent à l'hosto. Complice, ne complique pas la tâche avec tes histoires de cinglés, hein. Réfléchis bien avant d'en flinguer, hein. D'être un bleu, reste humble dans des sales combles. Vas-y, pompe, bouge. Prends personne à coup de pompe une fois les yeux rouges, c'est trop bidon. Vas-y, vis nos mots, c'est plus bidon. On se croirait dans la rue, dis donc, en plein dedans, dis-moi donc pourquoi on se barre d'en haut, les bourges nous vont au plus bas et se marre, y'en a marre, non? N'en rajoute pas, avec tes gros rangs et tes bras d'honneur du corps. On continue, pas besoin de romans, on vient de la rue, faire honneur aux fumeurs, bombes, presse de braco, fournisseurs, popo, bagarreurs et porteurs, proco. Et tu crois quoi? Nos frères ne vivent plus ni comme au pays, ça tire dessus, se croient au-dessus, oublie ce qu'ils ont vécu. Dans le passé, faut pas faire plaisir à cette minorité de Français qui voudrait nous chasser. Rédemption pour nos âmes perdues. Ceux d'Afrique qui ont fini pendus pour avoir réclamé leur liberté. Égalité, fraternité, quelle stupidité. Même nos parents ont souffert, à nous de leur montrer qu'on est capable d'avancer soudés. Arrêtez la violence pour qu'on ait plus de chance en France. Je vois des Arabes, des Noirs pleins de haine. Vivre séparés dans les mêmes quartiers, s'entretuer, c'est ce que veut la société. Nous voir nous détruire, c'est ce qui les excite. Triste destinée, avant sont déterminés. Dans la rue, des bagarres éclatent, des jeunes se plantent comme des acharnés. Des corps tombent et des jeunes succombent. Gamina Hamou, mon âme Fahamou, FF2A Haramou. Représente les fumeurs de. Les encaisseurs de bière représentent. Si la foule fout le feu représente. Les quartiers prêts à tout casser représente. Businessman du présent surtout du passé représente. Représente les fumeurs de. Les encaisseurs de bière représentent. Si la foule fout le feu représente. représente les quartiers prêts à tout casser. Représente businessman du présent, surtout du passé. Représente, représente les fumeurs de cornet, les potes condamnés. Représente les jeunes bornés. On n'a pas trop le temps, écoutez le sang. Unissons-nous sans faire couler le sang. Pour vous, on représente, représente. Représente. Représente. Représente. Représente. Représente.